desert and a bright place. Now we are whole, being tested. Can't you see we are all being tested? In Christian people will talk about job. Now you see we own new team. We're all tested. One opportunity, you never had it, you never took it, you always had it, or you never took it. Realize how plays everything at the test. Will you take the blue pill or the red one? It's in the right place now. Have you ever dared? Do you really wanna choose? Are you ready for the red pill? It's in the right place. Are you ready to choose? Are you ready? Ne serait-ce que le penser, est-ce que tu oses? Non, tu ne peux même pas te l'autoriser. Est-ce que tu oses vraiment le penser? Est-ce que tu as été récemment testé que c'est une la vie de sa temporalité aussi que c'est une de l'envie? De la vie. Ne serait pas plus heureux d'essayer d'être. Il y a sans doute quelque chose de plus grand. Il y a sans doute quelque chose de plus grand. Something greater now. Never buy the dusty dirt. Don't shut it down. Remonte des là, qui te pique et qui t'embête. Communication extrême. Il y a 10 ans aussi, ça valait le coup de faire semblant d'être Sarkozy. La vedette. Le parti de l'ordre et des huées qui t'a nourri les fachos pendant des années. Le parti de l'ordre s'est surfait. Tu as gagné. Les chemises brunes sont sorties frais. L'autre jeu maintenant est... Besançon, quand on lui a dit que les fachos ils avaient gagné aussi, tu vois, on le sait, 55% Marie. Mais si on gagne, on aura plus pitié de la La révolte, elle n'a rien à voir. Enfin, les actions sociales, elle n'a rien à voir avec la politique. Si on gagne, la gauche, elle est réhabilitée. L'histoire se fait. Du coup, les gens, ils peuvent à nouveau réfléchir, ils peuvent à nouveau rêver, ils peuvent à nouveau espérer, ils peuvent à nouveau. Et Marine est désavouée. Le camp du résignement. Ça fait longtemps qu'il nous faut une victoire. Il n'y a pas de vrai. Ça fait longtemps qu'on cherche la victoire. Tous les combats. Toutes les assos en recul. C'est un nouveau millénaire. La porte ouverte à la discussion. En marche. Le rétro. Si vous n'êtes pas d'accord. Dans ce nouveau millénaire. Distraire. après la 11e journée. Devant, tout est à sa place. Thank you.

barricade semble être en train de tomber dans les têtes. En laissant descendre derrière nous. We no hope, we just push. No need God, no need master. Me réveille comme il faut quand il faut. We'll be right back.